J'en profite aussi pour appeler toutes les bonnes volontés à venir nous rejoindre pour nous filer un coup de main, parce qu'on n'est jamais suffisamment dans l'équipe, et on n'est pas suffisant non plus. Et donc maintenant, on accueille Mathilde qui intervient sur le droit à l'avortement. Ouais, bonjour à tous. Alors, sur le programme, vous avez vu, il y a écrit que Jérôme devait vous parler des apatistes. Donc, je ne suis pas Jérôme et je ne vais pas vous parler des apatistes. En fait, cette intervention a été déprogrammée parce qu'il ne pouvait pas venir et que enfin, pas de chance aujourd'hui, mais elle aura lieu. Et donc, je le remplace un peu pour autre chose. Mais donc, il n'y aura pas de apatistes tout de suite. Moi, je vais vous parler d'un combat que les femmes ont mené pour un droit qui concerne les femmes, mais qui concerne les hommes aussi, puisqu'il s'agit de l'avortement, de l'interruption volontaire de grossesse, et qui est un combat qui a surtout été mené dans les années 70. Hein. On connaît surtout donc les grands moments des années 70 avec, au final, la loi Veil, mais qui est un combat beaucoup plus long. Mais si vous me permettez cette blague de mauvais goût, c'est un combat qui avait plutôt avorté avant. Donc, enfin, il a fini par arriver. Alors, il faut savoir que l'avortement n'a pas toujours été interdit, en fait. Si on regarde le droit romain, dans la Rome antique, le père, hein, le pater familias, ayant de toute façon droit de vie et de mort sur ses enfants, pouvait parfaitement considérer que sa femme devait avorter, voire on autorisait aussi l'infanticide. Donc, l'avortement n'était pas interdit dans le droit romain, à condition que le pater familias soit d'accord. S'il n'était pas d'accord, c'était un crime, mais contre le père, pas du tout contre l'enfant. C'est le catholicisme, le christianisme, qui va faire de l'avortement un crime, non pas contre le mari ou le père, mais cette fois contre l'enfant à naître, puisque le christianisme, en fait, va individualiser le fœtus, considérer qu'il a une âme, et que, par conséquent, comme c'est une créature de Dieu, on ne peut pas avorter. Comme à l'époque médiévale et moderne, le droit pénal de l'État calque le droit canon dans une alliance entre l'Église et l'État, eh bien, les droits pénaux considèrent eux aussi l'avortement comme un crime. Sachant que de toute façon, à cette époque, il y a très peu de moyens sûrs de le pratiquer et qu'on ne sait pas faire vraiment la différence entre une fausse couche et un avortement. Hein? Il y avait des moyens. En fait, il y a un recul de la médecine, hein, de toute façon, à un moment. Alors, quand Napoléon fait réécrire le droit français au début du 19e siècle, lorsqu'il fait le droit civil, puis surtout le droit pénal, hein, il va reprendre cette association de l'avortement à un crime. Hein. Et quand on regarde le droit pénal français de 1810, l'avortement est un crime et l'avorté, et surtout celui qui avorte, l'avorteur, en fait, dans la pratique, c'était plutôt des femmes, les avorteuses, étaient passibles, enfin, étaient considérées comme ayant pratiqué un crime et elles devaient être condamnées à la peine de mort. Donc vous voyez, quand on regarde le code pénal, il y a quand même une pénalisation très forte. Mais en pratique, quand on regarde le 19e siècle, en fait, il n'y a pratiquement aucune poursuite pour cas d'avortement. En fait, il faut savoir que le 19e siècle est un siècle que l'on appelle malthusien, c'est-à-dire que les populations d'elles-mêmes limitent leur naissance. C'est les théories de Malthus qui s'appliquent au niveau des familles et qui s'appliquent aussi au niveau de la nation, où l'on considère qu'il ne faut pas faire plus d'enfants qu'il y a de ressources. Ce qui fait que l'on incite les gens à ne pas faire des enfants. Au 19e siècle, il n'était pas rare du tout que dans des mairies, il y ait des prix de tempérance. Quand une famille limitait ses naissances, on lui filait du fric en remerciement de sa pratique malthusienne. Il y avait dans les journaux des publicités pour des différentes pratiques. Enfin, c'était souvent des notions où il y avait des premières formes d'avortement plus médicalisées. Il y avait des publicités. Les médecins pouvaient parfaitement afficher sur leur officine pratique des avortements. Ça ne posait aucun problème. Et les rares, très rares cas de poursuites judiciaires en application du code pénal de l'avortement au 19e siècle étaient systématiquement suivis de relaxe. Il n'y avait jamais aucune femme, aucune avorteuse, aucun avorteur qui était condamné pour avortement au 19e siècle. Par ailleurs, l'avortement thérapeutique, donc quand la vie de la mère était en danger, a été autorisé en France à partir de 1852. Donc, le discours très négatif sur l'avortement au 19e siècle, c'est absolument pas une réalité. En fait, ce qui va faire changer les choses, c'est pas un retour du religieux, puisque justement, au contraire, il y a plutôt une déprise religieuse dans la France contemporaine, mais en fait, c'est qu'il y a un nouvel argument qui va arriver, et lui qui va être drôlement plus efficace, c'est l'argument démographique. La France, je vous l'ai dit, est malthusienne. Les gens limitent leur naissance. Donc la natalité en France baisse. comme la mortalité baisse aussi. Il n'y a pas de baisse de la population en France, c'est un fantasme de l'époque, mais en revanche, la population française augmente moins que la population des autres pays européens, et notamment augmente moins que l'Allemagne, à un moment où les tensions sont fortes entre les deux pays. 14-18, c'est une véritable catastrophe démographique, avec bon, beaucoup plus d'un million d'hommes morts, mais aussi des classes creuses. Et donc, on va avoir une véritable angoisse démographique au sortir de la Première Guerre mondiale. À nouveau, cette peur de la dépopulation qui repose sur le fantasme, puisque la population continue à augmenter doucement, mais qui a pour conséquence de rendre l'avortement considéré comme très négatif. Ce n'est plus considéré contre un crime véritablement comme un enfant à naître, mais c'est considéré comme une menace pour la patrie. Et en fait, il va y avoir une dimension démographique, nataliste et patriotique qui va conduire à pénaliser de plus en plus l'avortement. Deux lois sont prises immédiatement après la Première Guerre mondiale. Une première loi en 1920 qui va interdire toute la propagande malthusienne. On ne peut plus donner des conseils pour la contraception, on ne peut plus faire des publicités pour l'avortement. Et une réforme du code pénal en 1924 qui va en fait conduire à une beaucoup plus grande sévérité. Quand on regarde le texte, on se dit tiens c'est mieux, parce que qu'est-ce que dit la loi de 1924 ? Elle dit que l'avortement n'est plus un crime, c'est un délit. Mais, et qu'il est passible de prison pour l'avorté et pour l'avorteuse. Mais en fait, en pratique, quand c'était un crime, ça passait en assises. Les assises, les jurys étaient plus faciles à émouvoir quand une femme expliquait les conditions pour lesquelles elle avait recouru à l'avortement. Et d'autre part, finalement, si on la condamnait, elle était condamnée à mort. Vous imaginez que là, vous hésitez à plusieurs fois avant de faire une condamnation. À partir du moment où c'est un délit, cela passe en correctionnel. Ce sont des juges, des hommes pour la grande majorité qui plus est à l'époque. Et d'autre part, on ne la condamne plus à mort, on la condamne à de la prison. Ce qui fait que si le changement de la loi de 24, d'une certaine façon, a l'air d'alléger la pénalisation contre l'avortement, en pratique, elle va conduire à sa très très grande pénalisation. Et à partir de là, les femmes qui avortent, comme les femmes qui les aident à avorter, vont systématiquement faire des mois et des mois de prison en conséquence de cet acte. La législation, vous devez le savoir, est durcie sous Vichy, puisque Vichy, qui est encore plus dans une dimension patriotique, nationaliste, mais parce qu'il y a aussi un retour du christianisme, va considérer que l'avorteuse est passible de mort. Deux faiseuses d'anges, comme on les appelait à l'époque, sont condamnées à mort et exécutées sous Vichy. Chabrol a fait un très beau film qui s'appelle Une affaire de femme, où Isabelle Huppert joue le rôle d'une de ces femmes qui aidaient les femmes à avorter. Quand la République est restaurée en 1945, elle supprime la peine de mort, mais garde la pénalisation de l'avortement. Et l'on continue, dans la France de la 4e République, à réprimer très très sévèrement les femmes qui avortent. Or, dans ce contexte, les avortements sont interdits, mais ils ont lieu, bien évidemment, parce que les femmes continuent à avorter, parce qu'elles ne veulent pas forcément garder les enfants qu'elles portent. Et donc, il y a une pratique de l'avortement qui ne fait qu'augmenter, mais elle est forcément clandestine. Et parce qu'elle est clandestine, elle est bien souvent dans des conditions extrêmement difficiles pour les femmes. Parce que la réalité des femmes dans les années 50-60, c'est les angoisses d'être enceinte, c'est la recherche d'une faiseuse d'ange quand elles se rendaient compte qu'elles étaient enceintes, c'est pour nombre d'entre elles des avortements dans des cours, des garages, avec des aiguilles à tricoter, ça veut dire des fausses couches très douloureuses, des septicémies, des hémorragies. Elles arrivaient à l'hôpital où là elles étaient traitées, maltraitées, personnel hospitalier qui leur faisait... qui les punissait finalement d'avoir avorté. Il y a un roman que je vous conseille, c'est pas exactement un roman puisqu'elle raconte sa vie, d'Annie Ernaux, qui est d'ailleurs une des romancières qui a beaucoup parlé des femmes et de ce que c'est qu'être une femme dans ces années-là, qui s'appelle L'événement et qui raconte l'avortement d'une jeune fille et qui est absolument magistrale pour montrer ce que ça pouvait signifier comme ambiance et comme angoisse et comme violence exercée contre les femmes. On considère que à la fin des années 60, il y avait 1 million d'avortements par an en France. Donc, c'est vraiment pas du tout un phénomène minoritaire. Les femmes ne perdaient pas, enfin certaines perdaient la vie, beaucoup moins qu'on a pu le dire, parce que tout le monde avait intérêt à insister et à augmenter le nombre de femmes mortes. En revanche, beaucoup perdaient leur fertilité avec les avortements et ne pouvaient pas ensuite avoir d'enfants. Dans les années 60, les femmes vont se dresser contre cette situation qui les qu'elles vivent et qu'elles subissent, et réclamer le droit à l'avortement. Dans ce contexte, elle ne réclame pas vraiment l'avortement pour limiter les naissances. Ce n'est plus du malthusianisme d'une certaine façon. On est en plein baby-boom. Les femmes ne veulent pas avoir moins d'enfants. Les familles ne veulent pas avoir moins d'enfants. En revanche, les femmes veulent pouvoir choisir quand elles veulent un enfant, pouvoir ne pas en avoir, et par conséquent, elle réclame le droit à une sexualité heureuse et à une maternité heureuse, ce qui était très différent du malthusianisme d'avant-guerre. Une nouvelle association voit donc le jour qui défend ce droit des femmes à contrôler finalement la conception. Cette association qui s'appelle Maternité Heureuse, donc c'est bien le terme qui est repris, qui s'appellera à partir des années 60 Planning Familial et dont le premier centre ouvre à Grenoble en 1961. Alors le planning familial a d'abord défendu la contraception avant de défendre l'avortement. Et c'est vrai que au début des années 60, c'est plutôt pour la pilule qu'on se bat. La pilule a été mise au point aux États-Unis en 1957 à partir des travaux d'un Mexicain. Donc en fait, on doit ça au Mexique plus qu'aux Américains. Et cela débouche après un vaste débat et des luttes assez grandes sur l'autorisation de la pilule en France en 1967 par la loi Neuwirth. Cela étant dit, les femmes devront attendre 5 ans pour pouvoir vraiment acheter de la pilule puisque les décrets d'application de cette loi ne seront pris par l'exécutif que 5 ans après qu'elle ait été votée. Donc pendant 5 ans, les femmes savaient qu'elles avaient le droit d'avoir de la pilule mais ne pouvaient pas réellement en acheter. Après Neuwirth, donc après l'autorisation de la pilule, restait donc à gagner pour les femmes le droit à l'avortement. Et le contexte était favorable à ce combat et à cette revendication. D'abord, médicalement, il était tout à fait possible désormais de pratiquer des avortements parfaitement sécurisés qui ne mettaient en danger ni la vie ni la fertilité des femmes, alors que les avortements clandestins étaient très dangereux. On était d'autre part après 68, il y avait une évolution malgré tout des mentalités en faveur du droit des femmes et de la libération sexuelle. D'autre part, un certain nombre de pays voisins de la France autorisaient l'avortement. Souvent des pays beaucoup moins catholiques et donc il y avait moins ce poids de l'interdiction catholique sur l'avortement. Il y avait donc des pays qui pratiquaient un IVG sécurisé, la Suisse, la Hollande, l'Angleterre. Et l'on pouvait d'ailleurs, des femmes, j'y reviendrai, aller avorter dans ces pays pour avorter dans des conditions plus sûres. Parce que de fait, je vous l'ai dit, il y avait beaucoup d'avortements, mais il y avait une très grande inégalité sociale face à l'avortement. Celles qui avortaient dans les garages avec des aiguilles à tricoter mal désinfectées, c'était les femmes les plus pauvres. Celles qui pouvaient se payer un voyage en Hollande ou parce qu'elles pouvaient aussi se payer, parce qu'il y avait des médecins, bien sûr, qui pratiquaient des avortements dans des cliniques de façon clandestine, mais ça coûtait très cher. Donc il y avait une énorme inégalité entre des femmes aisées qui pouvaient avorter dans des conditions sécurisées et les femmes pauvres qui mettaient leur utilité, voire leur vie en danger, et de toute façon dans des conditions atroces, qui avortaient. Dans ce contexte, des associations naissent et se mettent à défendre le droit à l'avortement. La première, même si ce n'était pas son principal combat, c'est le MLF, le Mouvement pour la Libération des Femmes, qui naît en 70, à l'été 70, et qui va se jeter corps et âme dans la défense pour le droit à l'avortement. Autre association moins radicale, l'association Choisir, d'une avocate qu'on retrouvera juste après, qui s'appelait Gisèle Halimi et qui défendait aussi le droit à l'avortement. Va être créé aussi au début des années 70, en 72, le MLAC, donc Mouvement pour la Libération de l'Avortement et de la Contraception, qui lui aussi, comme le MLF, avait plutôt une optique plus radicale. En face, évidemment, le camp adverse s'organise. C'est une association de catholiques intransigeants qui est créée, qui s'appelle Laissez-les vivre, en 1970, avec comme conseiller juridique Lejeune. Donc c'est une association de catholiques intransigeants qui s'appuyait en plus sur une encyclique très intransigeante du pape de l'époque, qui s'appelle Humanae Vitae, et leur mot d'ordre c'était « liberté d'avorter, c'est liberté de tuer ». On les connaît pour avoir des pratiques de propagande assez violentes. Ils exhibaient des fœtus de 6 mois en disant que c'était des fœtus qui avaient été avortés, alors que 6 mois, évidemment, ça ressemble à un bébé, hein, c'est extrêmement choquant. Ils faisaient écouter et résonner les cœurs, enfin le bruit du cœur d'un bébé pour choquer les gens. Ils comparaient les partisans de l'avortement à des nazis, évoquaient les fours crématoires dans lesquels on brûlait les bébés. Donc des formes d'agitation assez violentes et très souvent des manifestations face à face et assez tendu. Les médecins à l'époque étaient eux assez divisés sur la question, on en trouvait dans les deux camps, mais l'ordre des médecins, qui est par ailleurs créé par Vichy, était favorable à l'interdiction de l'avortement. Le clivage tendait aussi à se politiser, la gauche étant généralement plus favorable au droit à l'avortement et la droite généralement plus favorable à son interdiction. À partir des années 70, dans ce contexte, la question d'avortement va vraiment être omniprésente sur la scène publique avec quelques grands moments. Il est présent dans les journaux, il est présent dans la rue, il est présent à la télé, enfin, ça, c'est vraiment extrêmement présent. Premier grand moment, avril 71, paraît à la une de l'Observateur, du Nouvel Obs, c'était la une, il y a écrit « 343 femmes, oui j'ai avorté ». C'est le fameux manifeste des 343 que les opposants vont immédiatement appeler les 343 salopes, c'est sympa. Parmi lesquels il y avait de très grandes personnalités du monde des lettres et du spectacle, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Françoise Sagan, Delphine Seyrig, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, donc des femmes très connues, mais aussi beaucoup de femmes très obscures hein, qui avaient signé ce manifeste, dans lequel elles disaient juste « on a avorté ». Elles avouaient donc qu'elles avaient été contre la loi. Elles, d'une certaine façon, elles pouvaient être poursuivies à partir de cette publication par le ministère public pour avortement. Or, l'État choisit de ne pas les poursuivre. En fait, hein, il semblerait que les personnalités les plus connues n'aient pas eu vraiment de conséquences, mais que tout un tas d'obscurs qui ont signé ce manifeste l'ont payé en étant renvoyés ou en ayant des conséquences dans leur vie personnelle et professionnelle assez importantes. Donc c'était vraiment pas neutre hein, de signer le manifeste des 343. Il a par ailleurs été suivi 2 ans après d'un manifeste de 330 médecins qui avouaient aussi qu'ils avaient avorté. On le connaît moins, mais là aussi c'était assez courageux parce qu'il y en a beaucoup qui ont été radiés par l'ordre des médecins après ce manifeste. En 72, deuxième temps fort de la mobilisation de l'opinion publique, c'est le procès de Bobigny. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'était une jeune fille de 17 ans, elle s'appelait Marie-Claire et elle avait été plus ou moins forcée, enfin d'ailleurs plutôt plus, hein, à des relations sexuelles avec son petit ami. Elle était tombée enceinte et le mec sympa jusqu'à la fin l'avait dénoncée après qu'elle ait avorté avec l'aide de sa mère et d'une amie de sa mère. Donc elle est dénoncée par le père de l'enfant et elle passe en justice à Bobigny. Son avocate, ce sera Gisèle Halimi, l'avocate de l'association Choisir. Et en fait, Gisèle Halimi va très habilement transformer le procès de Bobigny en procès de la loi de 1920 et de 1924, donc en procès de l'interdiction de l'avortement. Elle va montrer que cette loi n'est plus applicable en 1972, qu'elle est complètement obsolète et que ce n'est pas possible. La conséquence du procès de Bobigny, concrètement pour la mère de Marie-Claire et son amie qui l'avait aidée à avorter, c'est qu'elles ont eu des peines très très faibles, mais qui montraient que la loi n'était plus applicable. Quant à Marie-Claire, elle sera relaxée. Elle n'aura rien. Donc le procès de Bobigny est un moment important dans l'opinion publique parce qu'il va faire changer en fait les préoccupations des Français. Avant le procès de Bobigny, 22% des Français étaient favorables à l'autorisation de l'IVG. Après le procès de Bobigny, ils sont 55%. Donc on voit un changement quand même important du retentissement de ce procès. Les mêmes années, le MLAC, donc le mouvement de libération pour la contraception et l'avortement, organisait des voyages collectifs tous les jours qui partaient pour emmener les femmes en Hollande ou en Angleterre pour se faire avorter. Donc il y avait là aussi cette présence importante. Dans ce contexte, l'État se voit obligé d'intervenir. On est sous la présidence Pompidou. Pompidou propose que l'on fasse un projet de loi. Le premier projet de loi qui ait existé en France pour autoriser l'avortement était très limité puisqu'il n'autorisait l'avortement que si la conception résultait d'un viol hein, ou s'il y avait une difficulté sociale majeure. Mais sinon, il n'autorisait pas l'avortement. De toute façon, il n'a même pas été discuté à l'Assemblée nationale et Pompidou, de toute façon, est mort assez vite sans qu'il n'y ait aucun lien entre les deux. Valéry Giscard d'Estaing est élu et il va nommer ministre de la Santé une magistrate, Simone Veil, et lui confier la charge de proposer une loi sur l'IVG. Donc la loi Veil est déposée à la Chambre en novembre 1974. C'est un projet qui médicalise l'avortement, mais qui, ce faisant, l'autorise et qui, surtout, et c'était la nouveauté, autorise l'avortement en France sans qu'il y ait le moindre motif à invoquer. Donc, pas besoin que ce soit le résultat d'un viol, d'un inceste ou qu'il y ait des difficultés sociales majeures. Le débat à la Chambre et généralement dans l'opinion publique va être absolument terrible. Alors, un des arguments des anti-avortement a été de dire que c'était jamais que des vergondés, elles avaient qu'à faire attention, gna gna gna gna gna. L'un des arguments qui a porté des gens favorables à l'IVG, ils ont sorti un livre qui s'appelait « Le livre blanc de l'avortement » et qui montrait que, en fait, le profil type des femmes qui avortaient dans ces années-là n'était pas du tout des jeunes filles, mais très, très majoritairement des femmes de 30, voire 40 ans qui avaient déjà 2 ou 3 enfants et juste... Elles et leur mari, d'ailleurs, ne voulaient pas un quatrième. Et donc, ça cassait complètement sous le pied l'argument moralisateur que l'on pouvait envoyer. Il y a eu aussi des arguments démographiques. La démographie de la France va s'effondrer. En plein baby-boom, c'était moyen porteur, déjà et d'une. Et puis, de toute façon, on montrait que, et en Hollande, et en Suisse, et en Angleterre, l'autorisation de l'avortement n'avait absolument rien changé au taux de natalité. En fait, l'argument phare de Simone Veil et de ceux qui défendaient l'avortement, c'était que, en fait, c'était, d'une certaine façon, c'était le principe de réalité. Les femmes avortent. Il y en a 1 million par an qui avortent. Donc, de toute façon, elles avortent. Sauf qu'elles avortent dans la clandestinité et dans des conditions sanitaires dégueulasses et dans des conditions de justice sociale dégueulasses. Donc, ce que montrait Simone Veil, c'est qu'il faut légaliser pour limiter les dangers sanitaires et pour limiter l'injustice sociale du recours à l'avortement. Le projet est présenté aux représentants de la nation le 26 novembre 1974 et c'est un des cas très rares dans l'histoire de la Ve République. L'issue du scrutin était complètement... on ne pouvait pas savoir ce qui allait sortir du vote. D'autant qu'en fait, la majorité à la Chambre, c'était la droite. Hein, c'était quand même essentiellement le RPR à ce moment-là qui dominait. Et la majorité du RPR était contre l'avortement. Donc c'était une loi proposée par une ministre de droite à une chambre de droite qui était contre. Donc en fait, le seul moyen qu'elle l'emporte, c'était qu'une partie de la droite vote pour, c'est pour ça qu'il était assez limité, mais que la gauche vote pour. Ça veut dire que la gauche devait voter pour un projet de droite. Vous voyez un peu le truc. Ça a été un débat incroyable. Ont été levées toutes les consignes de vote traditionnelles. Même la discipline de vote avait été votée. On a eu un débat entièrement retransmis à la télé, ce alors qu'en plus la télé était en grève. Elle a arrêté sa grève pour retransmettre le débat vu l'importance. Il y a eu de tout. Il y a eu des propos de très haute tenue. Il y a eu des propos odieux et inacceptables. Ça a vraiment été un débat. On peut le voir hein, sur l'INA. C'est très intéressant à regarder. Pendant ce temps-là, vous aviez devant l'Assemblée MLF qui manifestait pour le droit des femmes avec les affiches « Un enfant si je veux, quand je veux » et des catholiques intransigeants qui égrenaient leur rosaire pour présenter ça. Le 28 novembre, en pleine nuit, le projet est mis aux voix, il est voté et il passe à 284 voix contre 89. Donc la gauche a voté presque à l'unanimité pour la loi Veil. Alors c'est une loi qui, c'était évidemment un fondamental pour les femmes. Elles obtenaient le droit à l'avortement. Mais il y avait quand même quelques limites. Premièrement, on ne pouvait avorter que dans le délai des 10 premières semaines de la conception, donc 12 semaines d'aménorrhée. Ce n'était pas remboursé par la sécurité sociale, même s'il y avait des solutions pour les femmes les plus pauvres. Les mineurs devaient avoir une autorisation parentale. Il y avait des entretiens qui étaient imposés aux femmes. Elles devaient aller voir un médecin, d'avoir un premier entretien, leur filer des papiers qui les engageaient à garder l'enfant, puis elles revenaient voir le médecin. Donc ça rajoutait en plus, ça pouvait rallonger les délais. Les médecins pouvaient refuser de pratiquer un avortement. Aucun hôpital ne pouvait faire plus de 20% de tous ses actes opératoires en avortement. Et les étrangères non résidentes ne pouvaient pas avorter. Donc il y avait quand même un certain nombre de limites. Et puis surtout, c'était une loi qui était juste transitoire. On devait la rediscuter en 79. En 79, on la rediscute. Et là, en fait, la droite est toujours contre. Chirac a voté contre à ce moment-là, d'ailleurs. Mais les médecins étaient passés du côté du pour. Ils ont vu les effets sanitaires et ils l'ont appliqué. Avec l'élection de Mitterrand, ce que les femmes gagnent, c'est le remboursement de l'IVG, pas par la sécurité sociale, parce que Yvette Roudy a été lâchée par Pierre Mauroy, elle n'a pas obtenu le remboursement par la sécurité sociale, mais remboursement sur des fonds à part, collectifs, votés chaque année. Avec le retour de la droite en 86, le retour de la droite au pouvoir va décevoir les anti-avortements parce que le RPR a changé et Chirac dit qu'il ne reviendra pas sur l'avortement. Résultat, même on autorise la RU 86 hein, pendant que la droite est au pouvoir. Résultat privé d'appui parlementaire ou très minoritaire, une des rares appuis parlementaires qui était encore contre l'avortement, c'est Christine Boutin. Les anti-avortements se replient sur l'extrême droite et c'est le Front National qui va porter de plus en plus le discours anti-avortement. C'est le moment aussi où des membres d'extrême droite créent des commandos anti-IVG qui, sur le modèle américain, sans aller aussi loin, vont empêcher les avortements. Leur stratégie est mise en échec par la loi Véronique Neyertz, qui est une, une socialiste en 92 qui institue le délit d'entrave à l'IVG. À partir de là, on ne peut plus empêcher un IVG. Alors dans les années 90, avec le retour de la droite, à nouveau c'est difficile, la carrière des médecins qui avortent est souvent entravée, les délais d'attente sont longs, on a encore beaucoup de femmes hein, qui doivent avorter, je me grouille. Dernière loi favorable, enfin les deux dernières lois favorables, c'est la loi Aubry-Guigou, c'est elle qui a commencé, c'est Guigou qui a terminé, donc c'est pour ça qu'il y a les deux noms. Ça allonge le délai à 12 semaines, ça délivre les mineurs du droit, enfin de l'autorisation parentale, il n'y a plus d'entretien facultatif. Dernier avantage, la loi Vallaud-Belkacem qui en fait 7 fois rembourse 100% sur la sécu, ça y est, ça c'est fait pour la sécu, supprime le délai de réflexion et supprime dans la loi l'allusion à une situation de détresse pour les femmes qui était encore présente et qu'on enlève. Donc de nos jours, les femmes ont le droit d'avorter en France. Maintenant, il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention. Les conséquences des politiques d'austérité dans les hôpitaux rendent en fait assez difficile la pratique de l'avortement. Il y a encore beaucoup de femmes qui sont obligées d'aller avorter à l'étranger à cause de la politique d'austérité dans les hôpitaux et qui fait que les délais sont dépassés. Et il y a un réveil très important des anti-avortements actuellement avec cette association qui a été créée qui s'appelle SOS Tout Petit et qui depuis quelques années est extrêmement virulente et oblige les femmes à beaucoup de luttes sur le terrain contre les anti-avortements. Voilà. Alors maintenant, on va passer au débat. Alors tout le monde est invité à participer. Donc vous pouvez faire une intervention, bien poser une question à Florence, c'est ça ? Mathilde, pardon. Voilà, donc on respecte la parole de chacun et tout le monde essaye d'être bienveillant. Voilà. Quelqu'un soit dévoué pour parler de ce sujet important ? Moi, j'ai deux compléments, deux questions à te poser, enfin à vous poser. Il y a des gens qu'on tutoie plus spontanément que d'autres, je suis désolé. Deux questions à vous poser. Donc dans votre exposé, vous avez mis assez à l'écart la partie mouvement pour le planning familial. Alors même que vous avez mentionné l'association Choisir, qui est constituée de toute une partie des gens qui étaient déjà fondatrices du planning familial, beaucoup, enfin un certain nombre non seulement de femmes de médecins mais de syndicalistes aussi, hein. faut dire le rôle des syndicalistes, souvent aussi sociologues dans ces combats-là. Voilà, donc première chose, il y a aussi, alors Gisèle Halimi le dit, hein, il y a aussi un contexte politique de déshérence de la gauche parlementaire qui a besoin d'aller chercher la gauche moins officiellement politique, quoi, dite culturelle, etc., ou radical, et notamment par exemple Mitterrand a besoin d'aller chercher Mitterrand, ancien ministre de la guerre d'Algérie, a besoin d'aller chercher Gisèle Halimi, avocate de Jamil Abou Pacha. Enfin voilà, il y a un contexte politique qui fait que la droite parlementaire est en perte de vitesse et a besoin d'aller chercher les luttes à côté. Donc enfin, est-ce que tu pourrais rajouter des choses sur ces deux plans là sur à la fois le lien au planning familial et le lien au parti politique? Ouais, alors, enfin, ce qu'il y a, c'est que j'étais obligée de faire vite. Alors, ce qu'il y a, c'est que le planning familial, au début, était favorable à la contraception, mais pas trop à l'avortement. Notamment dans tout le combat qu'ils ont mené pour la contraception, l'un des arguments était de dire qu'il fallait développer la contraception en France parce que ça limiterait l'avortement. Ce qui fait que leur discours était préjudiciable à la lutte pour le droit à l'avortement, puisque ils le condamnaient. En fait, le planning familial va rejoindre la lutte pour l'avortement assez tardivement, en 72. Mais pendant très longtemps, ils ont plutôt constitué des freins, en fait, hein, dans cette lutte. Après, sur les questions politiques, oui, bien sûr, le contexte est important. Mais je voulais insister, après, c'est un choix qui n'est pas seulement historien, qui est aussi un choix militant sur le combat des femmes, sur les associations des femmes, et sur ça, parce que Mitterrand aille chercher, là, je suis tout à fait d'accord, et puis c'est toujours la même chose, hein, les lois sociétales, elles sont là pour faire oublier l'absence de lois sociales, hein, ça peut jouer aussi pas mal, on l'a vu à d'autres reprises, mais... Et par ailleurs, comment elle s'appelle, Yvette Roudy va être lâchée par Pierre Mauroy. Elle devait faire passer le remboursement sur les fonds de la sécurité sociale. Elle n'y parvient pas. Et elle n'obtient donc que ce remboursement sur des fonds des collectifs budgétaires revotés chaque année, ce qui en fait menaçait l'avortement. C'est pour ça que le fait que ce soit passé il y a 2 ans sur la Sécu, c'est en réalité, c'est passé un peu inaperçu. Mais dans les associations de femmes, ça a été extrêmement bien reçu, hein. Deux petits trucs. Bon, je crois qu'il faut se rappeler des déclarations de Jeannette Vermeersch-Thorez par rapport à l'avortement dans les années 50, où elle expliquait effectivement qu'avorter c'était un crime contre la classe ouvrière et qu'il fallait effectivement faire des ouvriers pour que la lutte des classes puisse être victorieuse. Ça c'est le premier point. Et puis la deuxième chose par rapport à cette période, je crois qu'il y a un film qui est vraiment à regarder d'Agnès Varda, qui est L'une chante, l'autre pas, qui décrit très bien ce qui se passait à ce moment-là, ce qu'était le combat des femmes. Moi j'ai malheureusement à cette époque-là j'étais ado, et c'est vrai que c'était quelque chose qui était présent dans les bahuts, c'était quelque chose qui était présent dans les facs. Quand on dit que les filles étaient obligées de partir à Amsterdam, on se retrouvait en terminale avec des copines qui partaient à Amsterdam pour se faire avorter, on se retrouvait en fac avec des copines qui partaient à l'étranger. Et quand la loi est passée à ce moment-là, ça a été un sourd. Ouais, non, c'est sûr. Le Parti communiste a eu pendant très longtemps. De toute façon, le Parti communiste s'était très dégagé des luttes féministes pendant un grand moment. Il y a tout un tas de raisons, mais de fait, ils considéraient que les questions de contraception, d'avortement, c'est des problèmes de bourgeoises. Voilà. Bon, il y a eu et c'est pour ça que c'est important aussi le vote de 74, parce que là ils ont voté, ils ont voté pour l'avortement. Après oui, la loi Veil c'est énorme, parce que vous parlez des copines qui partaient à Amsterdam, mais ça veut dire qu'elles pouvaient partir à Amsterdam. Combien ont avorté avec des aiguilles à tricoter parce qu'elles n'avaient pas le fric pour partir à Amsterdam? Une cagnotte, ouais. Mais, alors ce qu'il y a, c'est que dans les années 70, il y avait, avec le MLAC et tout ça, il y avait plus d'aide, mais pour combien de femmes, dans l'événement à Nierdo, quand elle raconte, moi je le fais lire à tous mes étudiants, parce qu'il faut qu'ils sachent comment c'était pour ces femmes-là, parce qu'on ne s'en rend plus compte maintenant, mais c'était juste atroce, plus toutes les angoisses qui pouvaient précéder, s'accompagner et se retrouver par la suite, quoi. Est-ce que quelqu'un voudrait faire une intervention, poser une question ? Je pense que le droit à l'avortement, c'est une avancée humaniste, plus que sociale. Et c'est aussi une douleur pour les femmes qui avortent. Hein. Faut pas. Moi, j'ai vécu ça avec une compagne. Faire le choix d'avorter, c'est pas simple. Et aujourd'hui, c'est remis en question. C'est remis en question parce que dans les hôpitaux, c'est la bousculade. Et c'est remis en question par une certaine frange politique qui vient de l'extrême droite. On voit par exemple que Marion Maréchal Le Pen remet en question le fonctionnement du planning familial. D'où l'importance aujourd'hui, dans la convergence des luttes, de bien dire que l'ennemi, il est là, quoi. Il n'est pas seulement religieux, parce que je suis peut-être une créature de Dieu, mais mes ancêtres ont créé Dieu. Et effectivement, il va falloir continuer à combattre pour sauvegarder ces droits que je dis humanistes, comme ont été créés le mariage pour tous, où là, franchement, la frange la plus extrême de la droite est allée dans la rue. Il y a un danger. Sur ces droits humains, je vais dire, qui dépassent les droits sociaux. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Il y a deux dangers. Il y a un danger qui est la conséquence de l'austérité en général. Ça se bouscule dans les hôpitaux. Mais ouais, par exemple, en été, il y a très peu de dates pour avorter. Donc, il y a des femmes, elles sont obligées d'aller avorter ailleurs, justement, parce qu'on les fait à cause de ça. Parce que ça rapporte pas de l'argent à un hôpital. Ça coûte pas grand-chose. Donc, ça rapporte pas de fric. Et puis, il faut voir qu'il y a plein de pays où il y a des reculs en arrière. Là, il y a une loi qui vient de passer en Pologne sur l'avortement qui est dramatique, qui est vraiment même quand la santé de la mère est en danger, on ne peut plus avorter. Et là, j'ai une copine qui revient du Brésil, où donc vous le savez, il y a eu une forme de coup d'État politique. Et le nouveau gouvernement veut faire passer aussi une loi très dure sur l'avortement, qui est interdit par ailleurs au Brésil, mais encore plus dure. Et notamment, à chaque fausse couche, de faire des enquêtes, parce que toute fausse couche est soupçonnée d'être un avortement déguisé. Donc une femme qui a une fausse couche, déjà, si vous avez eu ou connu quelqu'un qui a... Elles sont très malheureuses en général, et en plus on les soupçonne. Donc après, sur ce que tu disais au début, oui, Ça, c'est tous les arguments des antis qui disent tout le temps que c'est des avortements de complaisance. Simone Veil l'avait dit, aucune femme n'avorte avec plaisir. Hein. C'est toujours c'est toujours difficile. On considère actuellement que 45% des femmes avortent dans leur vie. Donc presque une femme sur deux avorte dans sa vie au moins une fois. Une question, une intervention de quelqu'un ? Juste pour rappeler que dans l'atelier d'éducation populaire hier, il y a une dame qui est intervenue pour expliquer. Elle est commerciale, elle arrive au bout de sa trentaine, elle n'a pas d'enfant. Là récemment, elle tombe enceinte et on lui fait comprendre que si elle veut rester dans la course, vaut mieux pas qu'elle s'arrête. Et apparemment, il y aurait même certaines personnes qui seraient allées jusqu'à lui dire explicitement qu'il fallait qu'elle avorte. Enfin, c'est une violence sociale beaucoup plus courante qu'on croit et qui, bien sûr, ça croît avec les attaques contre les droits du travail, quoi. Oui, alors ça, c'est un autre sujet, mais de toute façon, oui, il y a plein de boulots où quand on est enceinte, on nous fait comprendre qu'on fait chier, hein, et quel que soit... Même moi, à la fac, on m'a fait comprendre, comme on peut pas remplacer, il n'y a pas de remplaçant. Autant au lycée, on remplace une femme enceinte. À la fac, non. Donc, il y a des facs où les collègues, comme ils savent que c'est eux qui vont devoir faire vos heures, gros, on fait chier hein, quand on est enceinte. Hein. Donc, ça reste quelque chose de très présent. Hein. Déjà, on fait chier parce qu'on est une femme. On risque d'être enceinte, oui. Bon, ça change quand même. Hein. Là, par exemple, on vient de recruter quelqu'un qui s'est présenté. Elle avait déjà évidemment un gros ventre, donc on sait très bien qu'on la recrute, elle va pas faire court. Mais justement, c'était pas grave, on l'a recruté quand même. Alors, je m'excuse par avance parce que je vais pas être complaisant, mais je trouve qu'on c'est un sujet très intéressant. Tu l'as présenté avec une certaine douceur, une précaution, sans non plus magnifier et idéaliser l'avortement. Mais je trouve quand même qu'on tombe dans ces ornières gauchistes, quoi, où on a évidemment l'avortement est une avancée sociale et elle est peut-être l'identité la plus forte de la gauche aujourd'hui et de ce qui reste de la gauche, avec la peine de mort. On ne pose absolument pas la question de la nécessité aussi de minimiser la quantité de l'avortement, de l'éducation sexuelle qui permet de prévenir l'avortement, et du fait que quand même si l'embryon de moins de 3 semaines n'est pas un être humain, il est un être fragile comme le panda, comme l'arbre, etc., qui doit être absolument protégé. Et on est là aveuglé par le fait qu'effectivement, il y avait une nécessité évidente, comme tu disais en citant Simone Veil. Donc c'était nécessaire de le faire parce que de toute façon ça avait lieu et qu'on ne peut pas laisser faire de la manière dont ça se faisait. On ne peut pas nier le fait qu'on n'est pas encore une société aujourd'hui assez éveillée sur le plan des pratiques sexuelles et des moyens de contraception pour s'en passer. Enfin là je parle de ce qu'on appelle les avortements de confort, mais je suis bien d'accord avec toi, il n'y a pas d'avortement de confort. Mais enfin voilà, je trouve qu'on est dans un déni là quand je nous entends. Moi ça me choque quoi. On ne veut pas mettre le doigt là où ça fait mal et de dire voilà, mais le but aussi c'est quand même la disparition de l'avortement autant que possible parce que de toute façon c'est jamais agréable et parce que une éducation sexuelle, s'il n'y avait pas de viol, s'il y avait une éducation sexuelle, etc., on pourrait réduire une proportion importante. On pourrait réduire une proportion considérable des avortements qui ont lieu. Chaque fois on parle de l'avortement égale viol. Mais ce n'est pas ça. Il y en a qui le font pour le plaisir. J'en ai déjà eu des cas, j'en ai déjà entendu des cas. Il y a, chaque fois on parle en France de l'avortement, on vous parle de viol. Je me demande est-ce que toutes les femmes ils étaient fait violer et ceux qu'ils ont avorté. C'est ça la question que je pose. Alors là, on sort du terrain de l'histoire pour rentrer dans le terrain du militant. Je suis pas d'accord. D'abord, on n'associe pas du tout avortement et viol, justement. Et puis d'ailleurs, le propre de la loi, c'est qu'il n'y a pas de motif. Hein, et il y a des femmes, elles veulent juste interrompre une grossesse. Hein. Voilà, Ça n'a rien à voir. Après, évidemment, il faut développer l'éducation sexuelle. Je ne dis absolument pas le contraire. Maintenant, c'est même avec une éducation sexuelle développée, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Et dans ces cas-là, une grossesse doit être interrompue. Et encore heureux qu'il y ait un droit, parce que sinon, elle le serait, mais dans des conditions... Et puis, on ne va pas non plus forcément souhaiter qu'un enfant naisse alors qu'il n'est pas désiré. Ça aussi, une des affiches du planning familial, du MLAC, je crois que c'était plutôt du MLAC, on avait un gamin tout content, il disait « mais c'est chouette de vivre quand on est désiré ». Et c'est très important, donc c'est un combat sur lequel, pour ça, il ne faut pas revenir. Après, l'avortement, de toute façon, est toujours difficile pour une femme, quelle qu'elle soit. Donc, si elle peut ne pas y recourir, bien sûr, et si la... Mais il y a des femmes qui ne supportent pas la pilule pour des raisons de santé. Il y a des capotes qui cassent. Il y a des situations dans lesquelles le stérilé n'est pas sûr. Moi, j'ai des copines sous stérilé qui sont tombées enceintes. Hein. Elles avaient déjà 3 gamins. Elles n'en voulaient pas un 4e. Hein, et leur mari non plus. Et on peut les... Enfin, et dans ce cas-là, il n'y a juste rien à dire, quoi. Alors, je vais être un peu violent par rapport à ce qui a été dit. Je vais être l'horrible gauchiste de service, justement, dont parle monsieur. Le propos du monsieur qui dit faut surtout faire avancer l'éducation sexuelle pour qu'il n'y ait plus d'avortement, ça me fait penser à tous les propos, justement, que les communistes, et y compris d'ailleurs parfois les communistes dissidents côté trotskiste, reichien, etc., utilisaient pour dire « mais de toute façon, quand on aura aboli le capitalisme, il n'y aura plus de misère sexuelle ». Donc nous ne nous occupons pas de ces problèmes de misère sexuelle, voire pour certains, quand on aura aboli le capitalisme, on n'aura pas besoin de lutter pour la dépénalisation de l'homosexualité, il n'y aura plus d'homosexualité qui elle-même a produit de la misère sexuelle, etc. Ça me rappelle beaucoup ce genre de propos. Voilà, il faut que les gens puissent affronter la souffrance d'avorter, parce que d'abord, on ne peut pas arriver à un tel contrôle. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait non seulement la pilule du lendemain, parce que en plus la contraception, non seulement ça marche pas toujours mécaniquement, mais en plus c'est une discipline incroyable. Est-ce qu'on peut demander, c'est merveilleux l'éducation sexuelle, mais si ça doit être une telle disciplinarisation de la vie quotidienne, voilà, faut aussi qu'on rende l'avortement le moins douloureux et le plus facile possible. Point. Alors le monsieur ici demandait combien d'avortements en France chaque année. Le chiffre, ah, je l'ai pas là de tête. Je sais pas, mais c'est important, il y a 220 000 ? Oui. 1 million dans les années 60. Oui, mais il n'y avait pas de contraception à cette époque, hein, de fait. Il n'y avait pas de contraception, oui. Non, mais je ne connais pas, je ne veux pas raconter des bêtises. Il y a moins 200 000. Pour réagir sur l'éducation sexuelle, je pense qu'à 35-40 ans, on a une certaine éducation et qu'il y a des papas, des mamans qui ont déjà 3 enfants, qui n'ont pas envie d'en avoir un 4e. Parce que, vu le monde qu'on leur propose en plus, c'est un autre débat, mais voilà, c'est un choix. C'est un choix à la maternité, à la paternité. C'est vrai que pour beaucoup, ça doit être souvent des jeunes filles qui avortent, mais il y a aussi des dames d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années qui le font parce que elles ont pris ce choix et qui est douloureux. Ça, il faut bien le répéter, c'est douloureux. Les femmes qui avortent sont en souffrance. C'est pas un choix. C'est pas je vais acheter des pâtes chez Carrefour, quoi. On sait à quoi ça mène, quoi, parce qu'on touche au vivant. Donc forcément, c'est douloureux. Mais il faut arrêter d'essayer de nous moraliser sur une éducation sexuelle. Alors, pourquoi à l'école, on ne fait pas l'éducation sexuelle? C'est pas le rôle de l'école, je pense. C'est le rôle de chacun d'avoir une éducation sexuelle et d'affirmer sa sexualité. Alors pour revenir à ce que vous disiez, j'ai lu il n'y a pas très longtemps une enquête sociologique qui justement essayait à nouveau, comme il avait été fait dans les années 70, de voir quels étaient les profils des femmes qui avortaient. Et le premier type de femme qui avorte, c'est une femme qui a déjà des enfants et qui a 35 ans passés, hein. L'essentiel des femmes qui avortent sont des femmes qui, en fait, ne veulent plus avoir d'autres enfants. Le profil... Si, c'est, enfin, sociologiquement, les chiffres sont là, hein. Donc, l'essentiel des femmes qui avortent, c'est ça, hein. Après, il y a d'autres cas, mais la majorité, c'est ça. Et chaque fois qu'on fait une enquête, on se rend compte de ça, en fait. Je voudrais juste interrompre un peu le débat. Tout à l'heure, vous avez parlé de la RU 86. J'aurais juste voulu savoir qu'est-ce que c'est concrètement, en fait, parce que c'est la première fois que j'en entends parler. Alors, la RU 86, c'est la pilule abortive, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux modes pour avorter. On peut avorter à l'hôpital par les méthodes d'aspiration. Dans ce cas-là, c'est une espèce de petite opération et on le fait à l'hôpital. Soit c'est une pilule abortive que l'on vous donne à l'hôpital et on a, c'est chez soi qu'on fait une fausse couche, mais légère, parce que c'est la pilule ne peut être donnée que dans je crois que c'est les six premières semaines de conception. Donc l'embryon est tellement petit, quand c'est plus important, la méthode de l'aspiration s'impose pour des questions médicales. Mais pour une grossesse détectée vite et quand on a réussi à avoir les rendez-vous dans les délais, de plus en plus on pratique de la RU 486, donc est la pilule abortive. Une question, une intervention peut-être. Pour m'être un peu renseigné, effectivement, sur Internet, comme dans beaucoup d'autres sujets, il y a des lobbies en France, donc des lobbies pour, des lobbies contre. Et lorsqu'on se renseigne un peu sur ces sujets-là sur Internet, pour une femme qui se pose la question, on trouve principalement des sites contre l'avortement, même s'ils ne le disent pas clairement, un numéro de téléphone d'assistance, d'aide psychologique qui est tenu par des gens contre l'avortement. Donc voilà, il faut pouvoir avoir ce recul-là. Après, quand on cite des études sociologiques, on peut les contester, mais certainement pas comme ça. Le monde qu'on leur laisse, ça c'est clair que c'est un autre débat, parce que ici on est en train de le changer. Vous voyez bien, on est en train d'en parler, de parler de ces sujets-là. Il y a pas mal de commissions, hein, avec pas mal de sujets. Donc on fait ce qu'on a à faire à ce niveau-là. Et donc effectivement, c'est une femme sur deux, ça touche une femme sur deux. Il faut pouvoir être un peu plus à l'écoute de ça. Moi, j'ai rien contre l'éducation, c'est pas l'éducation sexuelle. Alors on en parle à l'école, d'après mes souvenirs, c'était en quatrième. Donc au collège là, bon, en quatrième, on a déjà, surtout aujourd'hui, on est déjà au courant de ce qui se passe. Donc si on en parle, il faudrait peut-être savoir quand on en parle, comment on en parle. Je sais pas si c'est vraiment en parlant à l'école d'éducation sexuelle, mais ouais, c'est aussi le rôle de l'école, l'éducation sexuelle. Voilà. Pour rebondir sur deux choses, notamment dans la loi de 2013, il a été créé un site gouvernemental pour l'avortement, pour donner des renseignements, qui a été notable parce que de fait, si on tape IVG ou avortement, alors IVG c'est déjà moins dangereux puisqu'en fait c'est le terme de ceux qui y sont favorables, alors qu'avortement est plutôt le mot-clé utilisé par ceux qui sont contre, mais on peut tomber sur des sites qui sont soit ouvertement contre, soit de façon très masquée. Avec le site gouvernemental, il y a eu cette idée de mettre fin à ça. Je repensais un truc sur l'éducation sexuelle à l'école. J'interrogeais un étudiant il y a 15 jours, je lui avais donné comme sujet justement les lois sur l'avortement et donc il m'explique les 10 semaines et je lui dis mais c'est 10 semaines de quoi ? Alors il dit je sais pas, hein, bon. J'ai 10 semaines de grossesse. Il fait ah ouais 10 semaines de grossesse. Je lui dis mais alors 10 semaines de grossesse c'est combien de semaines d'aménorrhée ? C'est combien de semaines après Et le mec, il savait pas. Il avait quand même 25 ans. Je lui dis, mais vous savez pas là, quel moment dans le cycle d'une femme elle est. Je lui dis, mais votre copine, si elle est. On savait pas combien de jours après les règles. Et en fait, il savait pas. Et alors moi, je tombais des nues. Donc après, je vais voir mon copain. Je lui dis, tu te rends compte? Il savait pas. Il dit, mais moi non plus, je sais pas. Lui, là, il est plus âgé. Et là, je me suis dit, mais il y a quand même un truc qui. C'est-à-dire que ça, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est toujours aux femmes de prendre en charge ces trucs-là. C'est à elles de prendre en charge la pilule. C'est à elles de. Et c'est même. Enfin. Et en fait, les mecs, ils savent même pas que c'est 14 jours après. Donc, j'étais assez sciée, je dois dire, de me rendre compte du manque de connaissances que les hommes, enfin, en tout cas, ces deux hommes que j'avais questionnés, je vais pas vous demander si vous saviez ou pas, mais le moment de fertilité d'une femme. Je pense qu'on savait plus à une époque, parce qu'avec la méthode Ogino, ils étaient un peu obligés, mais maintenant, c'est oublié, quoi. Après l'acte sexuel ou après les règles? Bah le comptage des jours. Après les dernières règles, la femme est fertile 14 jours après. Alors après, il peut y avoir des ovulations à des dates un peu différentes, mais généralement, l'ovulation intervient entre le 13e et le 16e jour. Et il y a un moment de 4-5 jours. C'est pour ça que les femmes qui veulent avoir des enfants, justement, c'est le moment... Bah, de toute façon, c'est immédiat. Hein. Si ça marche, c'est tout de suite. Hein. Oui, c'est après les règles. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, poser une question? Pas poser une question, juste faire un témoignage et là se confirmer que j'ai... Enfin, j'étais pas tout à fait dans la situation de l'étudiant, mais en tout cas, moi-même, jusqu'à ce que je sois à l'université et que j'ai à accompagner... des amis et ensuite plus tard ma propre compagne dans des avortements, c'est des questions dont j'étais extrêmement ignorant, quoi. Bah ouais. Il y a d'autres questions ou... on va passer bientôt à autre chose, donc peut-être une dernière question et ensuite ta conclusion. Voilà. Est-ce qu'il reste une question? Personne? Bah écoute, si tu veux conclure sur quelque chose. Je conclurai en remerciant toutes les femmes qui, dans les années 70, se sont battues pour que les femmes, maintenant, aient le droit d'avorter. Donc, on les croise dans les manifs et à chaque fois, je les remercie du combat qu'elles ont mené et qu'elles ont mené triomphalement. Bravo. Merci pour ton intervention.